L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des observations en ondes submillimétriques d'une planète errante située à 500 années-lumière, OTS 44, révèlent qu'elle est entourée d'un disque de poussière similaire à ce que l'on peut trouver autour d'étoiles jeunes ou de naines brunes. Mais la planète a une masse théoriquement trop faible pour arborer un tel disque. OTS 44 est une planète particulière. Elle est sans étoiles, errante. Et elle a une masse de seulement 12 fois la masse de Jupiter. Mais les modèles de formation des étoiles et des planètes prédisent que la formation à partir de la coalescence d'un nuage de gaz et de poussière formant un objet central n'est pas possible avec une masse aussi faible. L'équipe menée par Amelia Bayo de l'université de Valparaiso au Chili publie ses observations cette semaine dans The Astrophysical Journal Letters. Les astrophysiciens ont utilisé le réseau de radiotélescopes ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, pour détecter la poussière présente autour de cette planète esselée. Ils parviennent à estimer la quantité de poussière qui forme un disque autour de la grosse planète, entre 0,07 et 0,63 fois la masse de la Terre. Il compare ensuite les propriétés de cet unique disque avec ceux qui ont pu être observés autour d'étoiles jeunes ou de naines brunes pour contraindre les mécanismes de formation. La masse du disque observé semble montrer le même rapport M poussière sur M objet que les étoiles et les naines brunes, laissant penser des processus de formation similaires. Cette étude conforte une étude antérieure qui avait montré que OTS 44 continuait à grossir en accrétant de la matière de son disque, de manière semblable à ce qui se passe avec les étoiles jeunes. Et l'analyse des ondes millimétriques effectuée par Amelia Bayo et ses collaborateurs, dont des chercheurs français de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, montre en outre que le disque de poussière de OTS 44 doit contenir des grains de taille millimétrique ou plus. Ce qui est surprenant aux yeux des spécialistes, car autour d'un objet de faible masse, la poussière ne devrait pas s'agglomérer en des grains aussi gros. Cette poussière pourrait ainsi être en train de former des petits corps, des petites lunes, à l'image de la formation de planètes autour d'une étoile. OTS 44 se comporte donc très similairement à une étoile, mais sa masse, seulement 12 fois la masse de Jupiter, soit environ 1 centième de la masse solaire, indique qu'elle n'aurait pas pu se former de cette façon. Cette nouvelle étude montre ainsi les limites de notre compréhension concernant les objets de faible masse. Beaucoup reste à apprendre sur ces planètes qui errent loin de toute étoile. L'article de Amelia Bayo et ses collaborateurs s'intitule « First millimeter detection of the disk around a young isolated planetary mass object ». Il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 841, en date du 18 mai 2017. Je mets le lien de cet article en bas de ce billet, bien évidemment, ainsi que le lien du préprint sur archive, accessible à tous, donc. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des planètes errantes se contemple indéfiniment. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !